picture of you I carry in my heart. Close my eyes to see it when the world gets dark. Got a memory of you I carry in my soul. I wrap it close around me when the nights get aujourd'hui remplacer nos fous rires. On vivait bien, aucun souci, venez tracasser nos petits esprits. À cette époque, l'argent on s'en foutait, même si t'envoies, même si parfois j'en ai manqué. On se remémore sur les instants passés qui ne sont plus les mêmes. On aimerait revenir en arrière à longueur de journée. L'époque de l'innocence, l'école du foot en salle, on l'a croqué à pleines dents. Ouais, sans se faire de mal, mais comme tu sais, les bonnes choses ont toujours une fin. De là, mon enfant s'est fait traîner dans la merde sans face, sans relâche. Et de loin, j'ai vu que l'amitié pouvait figurer avec la lâcheté, car elle peut devenir synonyme à une teinte. Sous la pression, combien on va le tringuer. Sous la menace, alors qu'il se dilatait, j'ai conscience de tous ces soi-disant constats. Mais à l'heure de la tapoie qui était là pour moi, seuls les vrais ont ma reconnaissance, seuls les faux marcheront pas avec moi. Années sont au million de kilomètres. Parfois tu admettre la raison restera la meilleure solution à émettre. Le rap restera ma passion car le talent il ne paye pas toujours. Mais assure-toi que dans tous les cas ils boycotteront. Bienvenue au cœur du risque. Un projet sans la fin, j'en veux toujours plus, encore plus. Emblématique ne touchera pas sa fin. Le cœur parle car l'esprit est absent. Et Nasty restera toujours combattant. Trop de choses à dire avant même que je débute. Mais allez dire au fils de pute que dans les bacs avec le temps je compte m'y taper l'incruste. J'ai l'ambition car ma réussite a ce goût de luxe. Ça compte bien sortir les soucis avant que cette putain de vie me bute. Ouais, déjà depuis j'ai un projet touche à son terme. Mais assure-toi qu'il ne sera pas le dernier, beaucoup croient avant moi. Je vous remercie, ça réconforte la mif, je vois le haut de l'affiche. Je vais juste me faire entendre et que ça frisque le risque hein. En tout cas, j'espère que vous avez tous kiffé les 16 titres. Vous avez kiffé le projet. Voilà. Là, on va rattaquer du lourd. Nouveau projet, si tout se passe bien. Donc, je voudrais faire une petite dédicace pour tous ceux qui m'ont soutenu sur ce projet-là. Bienvenue au cœur du risque, volume 1. Je voudrais faire une dédicace à NN, Lapoune, Chams, Tom, Teddy, DJ Niaman, Lil Wesh, Perrine, à tous ceux qui sont passés sur nos sites, qui ont laissé des commentaires de soutien, qui ont soutenu le projet. Une petite dédicace à Petit Seb, à tout le monde, à l'équipe d'Emblématique Record, à mon associé, bientôt Emblématique Record, le label, si tout se passe bien. Voilà, on lâche pas les projets, on en veut toujours plus. Dédicace à ceux qui ont participé avec moi sur certains morceaux. LVS, Mini Lynx, Labi, UNS. C'est lui qui m'a entraîné dans le rap. C'est lui qui m'a fait enregistrer mon premier morceau. T'inquiète, je l'oublie pas frère. dernier. Une dédicace à ma mère, ma famille, tous ceux qui m'ont toujours soutenu dans mes projets. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde derrière moi. Je dédicace à tous les rappeurs du 28 qui font du bon son, qui représentent le département. The Beat United, t'inquiète, emblématique record. Un début sans la fin, la famille, vous-même vous savez. Merci.